did you do when you made the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently had been doing something pretty desperate. Ce joli cadeau, très belle émission. Vous êtes sur RIG, 20h passées de 2 minutes. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga des papas. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est encore un nouvel exemplaire de la saga des Fab Four, la numéro 427. Nous sommes le 16 octobre 2019 et l'album de la semaine, c'est Egypt Station de Paul McCartney. Alors j'ai choisi celui de 2019, c'est pareil, sauf qu'il y a des bonus par rapport à celui de 2018, donc c'est pareil. On écoutera Opening Station et I Don't Know à la suite. Il y aura également Come On To Me, il y aura Happy With You, il y aura Hunt You Down, Naked Sea Link, Do It Now et Frank Sinatra's Party. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Hold On sur Plastic Ono Band en 1970. George Harrison nous chantera Isn't It a Pity sur All Things Must Pass la même année. Pour Ringo Starr, ce sera Early 1970. C'est extrait de la compil Blast From Your Past de 1975, mais c'est sorti en 1971, si je me souviens bien. Pour les Beatles, ce sera par exemple Julia sur l'album blanc. Voilà une petite partie de ce que vous allez entendre ce soir dans la saga des Fab Four. Je vous invite à nous rejoindre dans le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Le groupe s'appelle tout simplement La Saga des Fab Four. Cherchez-le, trouvez-le. Venez vous inscrire et venez parler avec nous sur le topic qui est en haut, épinglé toujours exprès pour qu'on puisse le voir. Vous allez voir, on est une bonne dizaine à parler tous les soirs et ça se passe très très bien dans la bonne humeur. Donc n'hésitez pas, on ne mange personne. Si vous ne comprenez pas le français, parlez en anglais. Si vous ne parlez pas anglais ni français, alors là j'ai un problème, parce que je ne parle pas d'autre langue que ça. Mais on se débrouille, on trouvera toujours du monde. Bref, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée à l'écoute de RIG 90.7. Le mercredi, c'est vraiment la radio des Beatles. Ça commence maintenant, ça commence vraiment doucement. Il y a du monde. Venez, entrez. Du morceau qui arrive, c'est I Don't Know, et pour moi c'est déjà un classique, Paul McCartney. started to see. I must try to be strong. I try to love you best as I can, but you know. Cette chanson, je l'ai aimée dès la première écoute. Très très bonne chanson, signée Paul McCartney en 2018-2019 sur son album, son nouvel album, Egypt Station. On remonte le temps pour revenir en 1970 et la chanson Hold On de John Lennon. C'est une chanson de tendresse, Hold On, un riff étincelant d'influence japonaise, on s'en serait douté, introduit ce court exercice de tendre réconfort. Lorsque John avait survolé le chaos planétaire dans sa chanson de 1968 Revolution, le seul conseil qu'il avait pu offrir était « Everything's gonna be alright, tout va bien se passer ». Il répète ce message ici, sa foi étant renforcée par la force de l'amour. Parlant de Yoko en 69, il dit « Maintenant je peux me dire, même dans les pires affres du malheur, que nous les traverserons ensemble. Avec un peu de foi, explique-t-il à ses auditeurs, nous pourrons échapper à notre confusion et atteindre un sentiment d'unité, les uns avec les autres et nous-mêmes avec notre propre personnalité. » On peut supposer que John parlait plus d'espoir que d'expérience. Néanmoins, nombre de ses proches reconnaissent qu'il est devenu plus facile d'accès après sa rencontre avec Yoko. Et Hold On s'accorde très agréablement avec l'un des aphorismes de John de cette année-là. « Nous sommes tous congelés, nous avons simplement besoin que quelqu'un débranche le réfrigérateur. » Pas mal ça, faudrait que je le ressorte. Get things done like they've never been done. So hold on. Pour résister de pitié, je vous propose la version de Live in Japan en 1992.

sky is shimmering, glimmering. L'album blanc, forcément, 1968. Nombre de chansons de John Lennon ont été marquées par le traumatisme subi dans son adolescence lorsqu'il perdit sa mère. Mais Julia est la première composition dans laquelle il en parle directement. Julia Stanley, née à Liverpool en 1914, épousa Frederick Lennon en 1938. John fut leur seul enfant. Lorsque John eut 5 ans, Julia donna naissance à un autre enfant d'un autre père et John fut confié à Mimi, la sœur de Julia. Julia transmit à John son sens de l'humour et son goût pour la musique. Elle lui enseigna le banjo et c'est elle qui lui fit découvrir Elvis Presley. Sa disparition brutale dans un accident de voiture en 1958 survint au moment où elle et John se redécouvraient. Il avait commencé à répéter avec les Quarrymen dans sa maison de Bloomfield Road parce que sa tante Mimi n'aimait pas qu'on fasse trop de bruit. Bien que Julia soit adressée à sa mère, elle contient aussi un message codé, oui, vachement, pour son nouvel amour Yoko Ono. L'Ocean Child, l'enfant de l'océan, qui l'appelle dans la chanson, est une référence évidente à Yoko, puisque c'est ce que veut dire son nom en japonais. Voilà ce qu'on pouvait dire. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Egypt Station de Paul McCartney, dans la saga des Fab Four. Voici un nouvel extrait, Come On To Me, sur RIG. More than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? Thank you. Paul McCartney qui a eu la gentillesse en concert de nous rajouter deux cuivres, je crois qu'il n'était que deux. Et deux, c'est déjà mieux que zéro par rapport au clavier, au synthé qui fait ça. Le son est plus chaud et plus riche, c'est mieux. Donc merci Paul, et tu reviens quand tu veux en France, parce que je t'ai raté la dernière fois. Je pense que la prochaine fois, quoi qu'il se passe, je viendrai. Voilà. Allez, rock'n'roll sur RIG. Johnny Hallyday l'a repris avec « Dégage !» Mais ça, c'est bien aussi. « Slow down !» You want our love to last. Well, I used to walk you home, baby, after school, carry your books home too. But now you're gonna fall a friend down on me. Baby, what you trying to do? You better slow down. If you want our love to last. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Ce que j'aime quand on émet sur Internet, c'est que vous êtes très très rapide et lorsque je fais une boulette, eh bien, vous corrigez la boulette très vite. Tout à l'heure, il y a trois chansons. J'ai dit que Paul McCartney avait utilisé deux cuivres pour mettre un peu plus de gaieté. Eh bien non, il n'y en avait pas deux, il y en avait quatre. Mais oui, mais je n'ai pas assisté au dernier concert de Paul McCartney, donc je ne m'en souvenais plus, tout simplement. Donc 2 plus 2, 4, voilà, c'est d'accord, c'est noté et c'est corrigé en officiel dans la saga des Fab Four, voilà. Et puis autre petit moment amusant, Rook, celui qu'on surnomme le Lucky Luke de la saga des Fab Four, c'est celui qui met le plus souvent, le plus rapidement, je ne dis pas que les autres ne le font pas, les pochettes des albums pour dire ça vient de cet album-là, pour renseigner. Eh bien, il s'est amusé tout à l'heure sur la chanson précédente, sur Slow Down, il l'a mis avant que je la passe, c'est la face B de Long Tall Sally que j'avais prévu de passer. Il était donc en avance. Donc bravo Rook, chapeau. Est-ce que tu devineras tout au long de la saga? Je ne sais pas, là c'est quand même très très dur. Ça c'est en 1973, un album solo excellent de George Harrison. L'album s'appelle Living in a Material World et le titre du morceau, Give Me Love, Give Me Peace on Earth sur RIG. Don't your life. Sur Facebook ajoute « With a little help of ou from Elton John ». Oui, c'est vrai, il est au piano Elton John. Et il a révélé récemment dans une interview que, un petit peu après la mort de John, Yoko l'a contacté pour lui demander s'il voulait compléter des chansons, des maquettes de John Lennon pour, en vue de sortir un album d'inédit, « Milk and Honey » peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas être dans la tête de Madame Ono. Et Elton John, qui avait une grande amitié pour John Lennon, a dit non. Non pas parce qu'il ne s'en sentait pas capable, mais parce que c'était trop tôt après la mort de John et il ne se sentait pas capable de s'occuper de ça sur le moment. Voilà. Donc on peut penser qu'il aurait pu compléter une chanson, mais il ne l'a pas fait. Il a fait, en 82, une chanson qui s'appelait Empty Sky, ou c'est... Ah, je sais plus. Il a fait une chanson hommage, en tout cas, à John Lennon. Et c'était une très belle chanson. Empty Garden. Merci de me le souffler. Cherchez-la. C'est une très belle chanson. Allez, on continue. La saga des Fab Four, l'album de la semaine, Egypt Station. Et ce titre que j'adore, que je vous passe régulièrement, parce que j'adore vraiment cet album et cette chanson-là. Happy With You, sur RIG. Sat around all day. I used to get stoned. I like to get wasted, but these days I don't, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Oh yeah. Around angry, I used to feel bad, but nowadays my day don't have to be sad, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Oh yeah.

faiblit un petit peu. Mais tant qu'il peut nous sortir des chansons comme ça, continue Paul, continue. Vous savez que lorsqu'ils se sont rendus compte du trésor qu'étaient les Beatles, les techniciens, plutôt George Martin certainement, a dit aux techniciens, on ne jette rien de ce que font les Beatles, on ne jette rien. Et du coup, ben, des années après, en 1995 pour être exact, on nous sort cette version de This Boy, et c'est plutôt plaisant d'entendre ça. You're right. Get this bloody little mic out of the way. Don't be nervous, John. I'm not. Nervous. Don't be nervous. That boy took my love away. But he'll regret it someday. This boy wants you back again. That boy. What happened? I was thinking of that. That boy. I just went dead loud on one day. Oh, come on. Don't have stirrups. Don't have stirrups anymore. Till three the day to see them gathered there. From land o' groats to John o' Green, with Stepney do we tread. To see us yellow submarine, we love it. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. cette version avec moult effets spéciaux supplémentaires, je pense, ou en tout cas on les entend très très bien. Vous la retrouvez sur le single Real Love sorti en 1996. I think the piano maybe is better. I just realized to stop struggling. Hello? Yoko? Yeah. Back and never make no stop. Lost John thought he'd have to ride the top. Well, he's long, long lost John. Yeah, long, long lost John. Well, lost John standing by the railroad track, waiting for the freight train to come back. The freight train come back and never make no stop. He'd have to ride the top with his long, long, long lost John. But he's long, long lost John. Lost John standing by the railroad track, waiting for the freight train to come back. The freight train come back to never make no stop. Lost John thought he'd have to ride the well long. Richard? Mal. Mal. I'm defunct. That's one of the problems. Ça fait partie des inédits de John que vous retrouvez sur l'anthologie sortie en 1998. Tout n'est pas très intéressant, mais celle-là, si. Long Lost John, c'est plutôt très très sympa. Est-ce que vous êtes prêts pour partir pour 6 minutes de 22 de super bonne musique que je passe régulièrement parce que j'adore ce nouvel album de Paul McCartney qui s'appelle Egypt Station? Je reprends ma respiration. Et voici Hunt You Down, Naked et C-Link. 6 minutes 22 de bonheur sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles. Allez, on monte le son au maximum. We'll be right back. faire ces trucs-là, ces rythmes qui s'enchaînent, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et pourtant, les uns dans les autres, ça donne quelque chose de très très beau. Oui, rien de cochon dans ce que j'ai dit, c'est juste, je parle de chansons, voilà. C'est le moment de parler de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, soit en tant que Beatles, même s'ils reprennent eux-mêmes un artiste connu, soit en carrière solo, si un artiste ou même vous reprenez une de ces chansons, donc qu'on appellera la cover, elle peut faire partie de la saga des Fab Four. En 17e place, c'est le moment de venir. Eh bien, la chanson que je vous propose est chantée par un petit groupe de rock'n'roll des années 60. Non, je rigole, ils sont très bons. C'est sur leur deuxième album, je crois. Je ne suis pas un grand professionnel de ça, puisque ça s'appelle, le nom de l'album, c'est The Rolling Stones No. 2. Donc je suppose que c'est leur dernier album, leur deuxième album, sinon ça n'aurait pas de sens. C'est sorti en 1965. Voici You Can Catch Me, on écoutera après la version de John Lennon en 1975. Big Fab Four.

en 1976 sur l'album 33 and One Third. Pas facile à dire pour un Français. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Egypt Station de Paul McCartney, sorti en 2018. Et voici, une très belle chanson. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Do It Now sur RIG 90.7. Got the time, the inclination. I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. I don't know where the wind is blowing. Got directions to where I'm going. Nothing certain. That's the only thing I know. While the vision is clear, do it now. While the feeling is here, if you leave it too late, it could all disappear. Do it now. Take your heart, I only want what I can get. but like you heard me say, not guilty. Demos, longtemps de l'inédit, et puis lorsqu'est sorti les 50 ans de l'album blanc l'année dernière, eh bien c'est devenu de l'officiel, et donc ça passe dans la saga des Fab Four. Et je vous propose même d'écouter, là on vient d'écouter la version de 1968 qui a été rejetée de l'album par ses collègues, sympa, il l'a donc gardé avec lui dans ses tiroirs pour la ressortir 11 ans plus tard sur un album qui s'appelle George Harrison, donc pas de doute, ça vient de George Harrison. Voici la version finale de Not Guilty sur RG. Of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. Doo-doo. I'm not trying to be smart. I only want what I get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me say, I'm not guilty. essayer d'accélérer parce que Eric est là et dans 25 minutes ce sera Johnny de A à Z. J'allais dire Eric de A à Z, pourquoi pas. Voici 62nd Street et il y aura Frank Sinatra's Party juste après. Les deux inédits de la ressortie de Egypt Station en 2019. Egypt Station, c'est l'album de la semaine de Paul McCartney, vous aviez compris. Say that we could meet for a minute on 62nd Street. Oh yeah. The city's melting in the heat. I got my flip-flops on my feet. See me walking down 62nd Street. Time is flying by so fast. Each day quicker than the last. It means I must be having fun. I hope it carries on and on and on. But 60 seconds of your day is all I ask of you. I only need a little time to show what I can do. I must be having fun. I hope it carries on and on and on. But 60 seconds of your day is all I ask of you. I only need a little time to show what I. To have some fun, he doesn't see. celle-là. You know my name, look up the number. RIG 90.7, c'est vraiment la radio des Beatles jusqu'à 22h. Let's hear it for Dennis O'Fell. name? About the number? You know. You know my name. Look up the number. You know my name. You know my number. You know my number two. You know my name. You know my number three. You know my name. You know my number four. With you. You know my name. That's right. Yeah. Grow Old With Me, la version de John Lennon, puis la version de Ringo Starr sur son album qui va sortir le 25 octobre. En 2019, McCartney est à la basse et aux harmonies vocales, et Ringo également à la voix. The best is yet to be. When our time has come, we will be as one. God bless our love. God bless our love. Fait deux commentaires au sujet de cette chanson. D'abord, qu'il y a mis tout son cœur pour essayer de la chanter le mieux possible, et ensuite qu'il avait, il a révélé qu'il avait eu un mot de John Lennon, donc datant forcément de 1980, qui lui avait dit qu'il aimerait que lui, Ringo, chante cette chanson-là. Donc, il avait donc créé cette chanson pour Ringo. Et alors, il y a d'autres versions qui. Alors, moi, je crois Ringo, évidemment. Mais il y avait aussi maman qui avait dit que John voulait que ce soit chanté dans les églises et qu'il y ait un super air derrière. Et c'est pour ça que dans l'anthologie, vous avez la version avec George Martin qui a créé une musique super belle derrière, tout en gardant la démo, en essayant de. La démo de John Lennon, en essayant de la rendre le mieux possible. Bref, il existe donc trois versions de cette chanson Grow Old With Me. On termine avec du rock'n'roll, la nouvelle chanson de Ringo Starr. C'est créé par Colin Hay, l'ancien du groupe Men at Work. Et ce titre, What's My Name? Number one has been all the fun and lighting up the radio. Eric, dans quelques instants, Johnny de A à Z. Merci à tous et à toutes. Attention, la semaine prochaine, je ne suis pas là. On va dire pour une très très bonne raison. Je vais fêter les 92 ans de ma maman à moi, qui est en Charente-Maritime. Donc je serai sans doute pas à l'heure à 20h. Donc je laisse la place à Eric s'il veut faire plus tôt. Tu fais comme tu veux, Eric, c'est toi qui as les commandes. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous retrouve dans 15 jours. Salut.